Chapitre 19e. Pendant que M. de Kerquebeu et Mme Mérose se préparaient ainsi à recevoir la pupille du marquis, celui-ci, de son côté, préparait Denise et surtout Anna Beaujeunier à faire leur entrée à Rudemont. Tout d'abord, il n'avait pensé ni à M. de Kerquebeu ni à Mme Mérose quand il s'était résolu à prendre Denise près de lui. C'était un devoir qu'il accomplissait envers cet enfant. Et pour cela, il n'avait besoin de consulter personne ni de demander l'approbation de celui-ci ou de celle-là. De même qu'il avait cru devoir autrefois recueillir son cousin et sa cousine, de même aujourd'hui, il recueillait Denise. Mais à mesure que le moment de revenir à Rudemont s'était rapproché, il avait commencé à se dire que l'introduction de Denise au château pouvait demander certains ménagements. Depuis 10 années, le frère et la sœur, encouragés par son indifférence, avaient pu jusqu'à un certain point se considérer comme les maîtres de la maison. Que lui importait que M. Artème Fabu prît de grands airs avec ses fermiers, ses fournisseurs ou ses domestiques et exigeait d'eux des témoignages de respect ou des marques d'obéissance ostensibles. Au fond, ces gens savaient bien qu'il y avait un marquis de Rudemont et quand l'occasion s'en présentait, ils ne manquaient jamais de montrer l'estime et l'attachement qu'ils avaient pour le vrai maître. Ils préféraient être aimés plutôt qu'être craints et s'il avait quelquefois souffert de l'importance que s'attribuait son cousin, c'était à cause du ridicule que celui-ci se donnait. Précisément par cela qu'ils étaient parents, il eût voulu lui épargner les moqueries dont on le poursuivait dans le pays. Que lui importait que Mme Mérot gouvernât tout dans le château, gens, bêtes et choses avec une autorité jalouse. Il n'avait pas la manie du commandement, et dans une certaine mesure, il était bien aise qu'on le débarrassât de l'ennui d'avoir une volonté, et surtout d'affirmer cette volonté. Profitant de son indifférence en matière d'autorité, le frère et la sœur avaient, il est vrai, poussé un peu loin leurs empiétements. Ils le savaient, car lors même qu'il ne l'eût pas vu, on avait pris soin de l'en avertir charitablement, pour son bien et dans son intérêt. Mais il n'en avait jamais pris grand souci. Artème, par forfanterie, s'amusait quelquefois à lui monter ses chevaux, ou bien à lui faire une querelle d'allemand en public, afin de bien affirmer qu'il n'était pas un cousin pauvre. Eh bien, après, Mme Mérot, s'il amenait des amis au château sans l'en avoir officiellement prévenu, prenait des airs pincés, comme l'eût fait avec un mari une femme susceptible. Eh bien, quel mal à cela! Et quand il s'en était quelquefois impatienté, la réflexion lui avait toujours prouvé qu'il avait tort. Il fallait rire de ses petites misères et ne pas s'en fâcher. Et il avait ri, laissant aller les choses comme il plaisait au cousin et à la cousine de les diriger. Pendant 10 années, il s'était bien trouvé de ce système et, quoique le joug qu'on lui avait imposé se fût nécessairement alourdi, l'habitude l'avait empêché de sentir la pesanteur du poids qu'il traînait. Mais ce qu'il avait bien voulu endurer quand il ne s'agissait que de lui seul, il ne voulait pas le tolérer pour les autres, alors surtout qu'il pouvait en souffrir. Il fallait donc qu'il avisât à ce que le frère et la sœur ne fissent pas sentir trop durement à Denise leur besoin de domination. Et d'un autre côté, il ne fallait pas que la venue de Denise blessât le frère et la sœur dans ce qu'ils pouvaient considérer comme les droits acquis. De là, pour lui, la nécessité de prendre envers chacun une série de précautions. Comme il avait Denise sous la main, il l'avait naturellement commencé par elle. À Rudemont, il agirait ensuite auprès de M. de Kerquebeu et de Mme Mérot. Un peu avant d'arriver à la station où il devait quitter le chemin de fer, il avait donc expliqué à Denise la situation des personnes avec lesquelles elle allait vivre au château. Et il lui avait demandé pour ces deux personnes une grande douceur dans les relations et, si cela était possible, de l'amitié. C'était à Denise qu'il parlait, mais en même temps il s'adressait par l'intonation à Mme Beaujeunier. Denise avait écouté ses recommandations comme une enfant qu'elle était, sans rien chercher au-delà de ce qu'elle entendait. On lui demandait son amitié pour des parents de son parrain, elle était toute disposée à la donner, quoi de plus naturel, et elle avait répondu franchement dans ce sens. Mais Mme Beaujeunier n'avait point considéré avec cette simplicité naïve la situation qu'on lui montrait. Un cousin et une cousine installés depuis 10 ans dans la maison. Ils en étaient les maîtres, sans doute. Il allait falloir compter avec eux. Et elle avait cru le marquis garçon. Ce cousin et cette cousine changeaient singulièrement la situation. Cependant, comme il n'entrait pas dans son caractère de laisser paraître dehors les sentiments par lesquels elle passait, elle s'était appliquée à répondre à cette communication dans les mêmes termes que Denise. Celle-ci parlait avec bonne foi, il n'y avait qu'à répéter ce qu'elle disait. Toutes les finesses du monde ne vaudraient pas la naïveté de cet enfant. De Paris, le marquis avait envoyé une dépêche pour commander qu'on vînt au-devant de lui. En descendant de wagon, ils trouvèrent dans la cour de la gare une calèche pour eux et une voiture pour les bagages. Quand le valet de pied eut abaissé le marchepied, le marquis tendit la main à Denise. « Montez, mon enfant, » dit-il. Elle sauta légèrement dans la voiture. Mais alors elle eut un court moment d'hésitation. Où devait-elle se placer? Elle allait s'asseoir à reculons lorsque le marquis l'arrêta. « Non, là, » dit-il, « près de moi. » Et il présenta la main à Madame Beaujonnier, qui, les places étant ainsi marquées, n'eut pas à hésiter. Elle s'assit à reculons, faisant vis-à-vis à son élève. Le marquis, qui n'attelait ses voitures que des chevaux nés chez lui, mettait un certain amour-propre à aller vite. En une heure et demie, ils firent les 6 lieues qui séparaient Mulsan de la station, et ils arrivèrent au bas de la colline sur laquelle se dresse le château. Autrefois, on montait du village au château par un mauvais chemin creux, qu'on appelait la Cavée, et qui était un véritable casse-cou. Mais en ces dernières années, le marquis avait fait tracer une longue route contournant la colline. Moins pittoresque que l'ancienne, elle présente au moins cet avantage d'être accessible aux voitures. Après avoir longtemps tourné et retourné sous bois, elle débouche tout à coup droit sur la colline dénudée, et alors on découvre le château et son esplanade. « Voici Rudemont, » dit le marquis, « et vous voyez, mon enfant, qu'il est bien nommé. Mais on prendra des précautions pour que ce pays élevé et boisé ne soit pas trop rude pour vous. » « Château Chinon aussi était rude, » répliqua Denise avec un triste sourire, « et j'y suis bien resté 5 ans sans précaution. » « On nous attend, » dit le marquis en désignant de la main 2 personnes qui se promenaient sur l'esplanade. « Vous allez tout de suite faire connaissance avec Madame Méraud et Monsieur de Carquebus. » Mais la voiture ayant continué d'avancer rapidement, le marquis vit qu'il s'était trompé. Ce n'était point Monsieur de Carquebus qui se promenait avec sa sœur. C'était un homme à la tournure svelte et jeune, vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à haute forme. Tout en marchant, il levait et il abaissait son bras gauche dans un mouvement régulier, comme s'il scandait ses paroles. « Ce n'est pas Monsieur de Carquebus, » dit le marquis, « c'est un autre parent dont j'avais oublié de vous parler, parce qu'il n'habite pas ordinairement le château. Louis Méraud, le fils de Madame Méraud, un bon garçon, un brave cœur, qui n'a qu'un défaut, celui de n'être pas aussi jeune que son âge. Mais cela tient ses fonctions. Il est substitut à Condé, et il exagère un peu la gravité professionnelle. Pour lui, je ne vous demande rien. Pas de condescendance d'abord, parce qu'il n'y a pas droit, et pas d'amitié, parce que de vous-même, j'en suis certain, vous lui donnerez la vôtre, comme lui, de son côté, vous donnera la sienne. » Pendant ce temps, la voiture avait gagné l'esplanade. Elle s'arrêta devant le perron. Alors, Louis Méraud, s'avançant vivement, ouvrit la portière et tendit la main au marquis. « Mon cousin, je suis heureux d'être ici pour vous souhaiter la bienvenue. Et moi, mon ami, je suis heureux de te trouver là à mon retour. » Les présentations eurent lieu, et comme Madame Beaujonnier se tenait discrètement en arrière, le marquis dut la prier de ne pas s'éloigner. À ce moment, Monsieur de Carquebus parut sur le perron, et vivement il vint serrer la main du marquis avec 1000 démonstrations d'amitié et un flot de paroles. Il était heureux, très heureux, que le marquis eût fait un bon voyage, enchanté. Puis, tout à coup, le tirant à l'écart, « Joli enfant, » dit-il en montrant Denise, « elle va nous animer la maison. » Madame Méraud ayant voulu conduire elle-même Denise et l'institutrice à leur appartement, Monsieur de Carquebus resta seul sur le perron avec Louis Méraud. « Eh bien, magistrat, » dit-il en riant, « comment trouves-tu cette poulette-là ? Mademoiselle Denise me paraît charmante. C'est de l'institutrice que je parle. Quels yeux ! J'espère qu'on va te voir souvent au château maintenant. Voilà précisément la femme qu'il faut pour t'éveiller. Mon oncle ! Aussi souple que tu es roide ! Si j'ai un conseil à te donner, et je te le donne, sois aimable, ça te formera. Tu me fais honte, et je n'ose pas reconnaître pour mon neveu un bon petit jeune homme qui vit à Condé comme un séminariste. Avec un peu d'adresse, le marquis ne verra rien. Et ce n'est pas moi qui vous dénoncerai. Nous allons donc rire un peu. Ça devenait triste, pas de femme. Si dans le commencement tu as besoin d'un bon conseil ou d'un peu d'aide, je suis là, compte sur moi. » Le substitut avait rougi. Et pendant un moment, il était resté évidemment embarrassé. Mais à la fin, il avait pris sa détermination. Saluant son oncle sans dire un mot, il lui avait tourné le dos et s'était rapidement éloigné dans la direction du parc. Monsieur de Carquebus l'avait tout d'abord regardé se sauver sans trouver un mot. Mais tout à coup, il s'était mis à rire aux éclats et le bruit de sa voix avait poursuivi le jeune magistrat jusqu'à l'entrée du parc.